Je vous ai trouvé un riff un peu tranquille. Vas-y.

tu vois. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. J'allume ma télé, ma radio tous les jours. Ne m'appelez plus jamais. Ne m'appelez plus jamais. Ma dernière volonté. Sharon. Sharon. Et j'entends Sharon. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'ai envie des épaves engloutis. L'on croyait qu'ils cherchaient un rêve et n'ont pas revu leur pays. Hello, hello, konnichiwa. Quand je pense à la vieille anglaise, Kokiganikaga. On m'appelait les Queen Mary. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait capable de croiser Milan, j'étais un géant, j'étais prêt. Alors ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des millions d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps autour des cormorants. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. Cette France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. La France. Ne m'appelez plus jamais France. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. La France. Attends. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Spéciale dédicace à Michel. Que le plus grand navire Michel de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorants. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. me couler, le pied tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Ne m'appelez plus jamais France, la France volonté. Petit bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant presque, presque aussi fort que l'océan. Hein Sharon, à toi. Qui parle. T'es une fan de Sardou, toi, alors? Ouais. Mais t'es avec qui? C'est moi. Oui, au crapaud bouillette. C'est Tuche, monsieur Tuche. Non, non, pas du tout. Quand j'étais petit garçon... C'est juste que voilà, j'ai chopé ça et voilà. Pourquoi je suis tombé? Ben ouais, je sais pas, je suis tombé sur ça. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. C'est sympa. Il y a bien des années. Alors attends, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Paroles et chansons et lyriques. On n'arrêtait pas de me traiter de con. En chantant. Alors, pop rock. Allez. En chanson. attendez, on va pas faire tout le répertoire Sardou. Alors, une chanson de... Allez, au hasard. Bon, à la rigueur, un Paul Narev, si vous voulez. Alison, il y a Reta. Paul Narev. Just like you. Ah, attends. Ah oui. Femme, fais-nous voir vivre. You mad, I'm stuck, cool. Say it face to face. You true, you want and hope. Got what you deserve, what you... En français, Charlotte. Attends, tu sais quoi Dalila. En fait, Michel Polnareff. Ça peut être rigolo, Dalila. Michel Polnareff. Tiens, là, un ours. Bah, Dalila, en français. Dalida ou Dalila? J'ai une copine qui s'appelle Dalila. Français. Attends. Attends. Pourquoi Polnareff? Une chanson, on ira tous au travail. Bon allez, Polnareff, qu'est-ce que j'ai? Parole de ces chansons. On ira tous au paradis, même moi. Attends. Ah non. Tous au paradis. Et je la trouve pas. Ah, mais c'est pas la bonne batterie que j'ai. Mais la rythmique va pas bien. soit béni ou qu'on soit maudit, tu iras avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains. On ira tous au paradis, toi aussi. J'avais trop j'avais trop de sons différents dans l'oreille. Bon appétit. Yes, I know. You teached me. M'a nourri au jazz. J'ai eu deux petits frères et quatre violoncelles. Un jour j'ai tout quitté pour suivre une étincelle. On dit de moi que j'ai un physique de triple croche. J'ai dit de triple croche. Mais c'est pour ça que je suis fou de musique. J'ai dit fou de musique. On dit que je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui. On dit tant de choses. Je me drogue à la métamorphose. Je suis un fils de roi ou de voyou. Tout ça naturellement dépend des interviews. Alors je ne sais pas qui vous êtes, qui vous cachez derrière mes lunettes. Ce n'est pas un crime, je suis né dans un ice cream. Et les ma mère m'a nourri au jazz. Chacun de moi joue du trombone et du saxo. Chacun de moi se drogue à la métamorphose. Je vis au fond du piano. Je mange les croches, je jette les noyaux. Et c'est pour ça que je suis fou de musique. Je dis fou, fou, fou, fou, fou de musique. as they pull you out of the oxygen tent. As for the ladies' party with your silicone humps and your 10-inch thongs, dressed like a priest you was, top brown and freak you was, crawling on your alley on the hands and knees. I'm sure you're not protected, but it's plain to see. Diamond dodging poachers and the happy entries hunt you down to the ground. Mannequins be kicking. We'll be right back. Winding your way down a Baker Street, light on your head, dead on your feet. Well, you have a crazy day, you dream the night away and forget about everything. The dirty desert makes you feel so cold. He's got so many people, but he's got no soul. And it's taking me too long to find the one way wrong. When I thought I heard everything, used to think that it was so easy, used to say that it was so easy. You're trying now. Year the year and you'll be happy. Just one more year and you'll be happy. But you're crying now. Red on the street, there's a man in his face. He opens the door, he's got that look on his face. And he asks you what you do. Tell him what you see and forget about everything. He's got his dream about fires and wine. He's gonna give up the dreams and the one night stand. And try to settle down in some quiet little town. Forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. Cause he's a rolling, he's a rolling stone. Thank you. across my big breast, big. Whatever colors you have in your mind, show them all to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Till the break of day, let me see ya make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. You're the best thing that he's ever seen. Lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the will to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, steady on. Stay while the night is still late. Eventually.